Bonne année et vive Donald Trump. Bonjour à tous et bienvenue dans enfin le nouvel épisode d'On s'écoute ça. Ouais. Après des mois de développement et de recherche intense, on va enfin pouvoir vous donner notre épisode sur les Arctic Monkeys. Je suis ravi de retrouver Vincent, évidemment. Je suis très content d'être de retour aussi pour cet épisode. On a eu les partiels, on a eu les révisions, on a eu les fêtes de Noël et tout. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. On a eu plein d'autres émissions aussi. Il y a eu l'investiture de Trump aujourd'hui à 20h13. Et oui, et donc voilà, on y est, jour zéro après la fin du monde. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Nous, on n'est pas là pour parler politique, pas aujourd'hui, on est là pour parler Arctic Monkeys. Et je vous propose de commencer directement. Alors, c'est quoi l'histoire du groupe ? Et l'histoire du groupe, bah oui, parce que on avait, je sais pas si vous vous souvenez, fait un podcast sur Blur, et on s'était dit, on comprend rien, parce que c'est pas chronologique du tout, c'était brouillon. Alors là, on a essayé de faire les choses bien, on va vous faire comme un documentaire Arte. Ou France Culture. Culture, c'est vous qui voyez. Et on commence donc par l'histoire du groupe. Au début, il n'y avait rien. Il y avait juste 4 jeunes hommes de Sheffield en Grande-Bretagne. Ça fait un peu prophétique, hein, mais en réalité, c'est le début d'une histoire assez banale. Alex Turner et Jimmy Cook reçoivent une guitare à Noël, hein, et ils se mettent à en jouer comme ça. Ils forment un groupe avec des potes de leur collège, Matt Elders, qui achète une batterie pour l'occasion, Andy Nicholson, qui jouait de la basse, et Glyn Jones, hein, qu'ils ont trouvé pour chanter, parce qu'au collège, c'est vrai que c'est un petit peu dur de se lancer, surtout à la chanson. À l'époque, c'était les Strokes qui cartonnaient pas mal, hein. On est au début des années 2000, et ça a donné un vent de fraîcheur. Tout le monde a voulu faire un groupe de rock. Tout le monde voulait faire comme les Strokes. Exactement, c'est un peu comme aujourd'hui, faire de l'électro, si tu veux. Voilà. Tout le monde veut faire comme Skrillex. Exactement. Du coup, le groupe va jouer dans quelques pubs, hein, et donner gratuitement ses démos. Glyn Jones va se casser, hein, lui il a pas fait long feu, et du coup c'est le jeune Alex Turner qui va prendre la voix et qui va se découvrir un certain talent pour le songwriting, mais on aura le temps d'y revenir. Ils donnent donc leurs démos dans les pubs, une démo baptisée Beneath the Boardwalk, et voici le premier extrait choisi tout spécialement pour sa singularité vocale. Vous allez faire attention, Ravy Ravy Club, on s'écoute ça tout de suite. C'est bien Mr. Turner qui chante, hein. Pour ceux qui connaissent les Arctic Monkeys, je pense que ça doit être assez déstabilisant. Si vous ne connaissez pas bien le groupe, vous allez voir après que la voix a mué beaucoup. Ouais. Alors, cette chanson-là, elle est sympa parce qu'en fait, il y a une légende qui dit que ce serait Glyn Jones qui chanterait sur cette chanson et pas Alex Turner. Ça fait un peu fantasmer. C'est vrai que c'est pas du tout la voix d'Alex Turner. Exactement, ça fait beaucoup fantasmer et tout, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que Glyn Johns, il avait quitté le groupe depuis bien longtemps avant qu'ils enregistrent cette chanson qui au plus tard date de 2004. Et en fait Alex Turner c'était un gars assez timide et au début il changeait sa voix parce qu'il acceptait pas encore sa voix naturelle qui pourtant était très belle, mais bon j'imagine qu'avec le temps, elle a évolué, donc peut-être qu'au début c'était vraiment pas ça. Avec son délicieux accent de Sheffield. Avec son délicieux accent de Sheffield qu'il a complètement perdu, mais pareil on va y revenir. Même si on peut pas s'empêcher de trouver une certaine tendresse à cette chanson. Hein. Voilà, j'aime bien, c'est on dirait vraiment les débuts du groupe en fait. Oh mais tu pleures ? Ouais. Non mais j'avoue que ça me rend toute chose. Bon. On revient à Beneath de Bordeaux, la démo, qui distribuait donc gratos. En fait, ils donnaient leur CD gratos de démo parce que quand ils allaient voir des concerts, ils supportaient pas que les mecs arrivent sur scène et font « Ouh, c'était génial, on vend nos CD à 3 livres derrière, venez nous voir après ». Eux, ils supportaient pas, donc ils disaient « Fuck off, nous on vous les donne gratos ». Exactement. Et du coup, au moins, ça aura permis de les faire connaître sur le web. Ils vont vite fait se faire une bonne communauté de fans qui les suit sur le web parce que c'était l'époque de MySpace. Voilà, ils ont beaucoup capitalisé sur MySpace. Surtout. C'était d'ailleurs le premier gros groupe à exploser grâce à MySpace. Et Domino's Records, un label indépendant, ils avaient à l'époque Franz Ferdinand, The Kills, ouais. Anna Calvi aussi entre autres, et ben Domino's Records va leur proposer un bon contrat et on comprend pourquoi. Si on écoute la compile, elle est remplie de futurs tubes dont beaucoup vont se retrouver sur le premier album. Puis vint comme le Messie, le premier album des Arctic Monkeys en 2006, pardon, Whatever People Say I Am, That's What I'm Done. J'ai jamais su le dire correctement cet album. Bref, c'est le premier album et un premier single très reconnu, hein, on s'écoute tout de suite, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Ouais, je ne sais pas le dire. Making the eyes of me. Et donc, comme tu l'as dit, ils vont signer avec le fameux label indépendant Domino Records. Hein. En fait, ils aimaient bien ce label parce que c'était, ils avaient, enfin, le label avait un côté un peu roots, tu vois. C'était pas les grosses maisons de disques, ils étaient un petit peu, ils étaient un peu contre les grosses maisons. Indépendant. Voilà. Et donc, les Arctic Monkeys eux-mêmes, en fait, se doutaient pas une seule seconde du succès que ce morceau allait avoir. Hein. 12 ans plus tard, le bilan, je te le dis, 7e meilleur morceau de tous les temps selon NME. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ce genre de classement, tu sais. Mais c'est toujours NME quand même. Voilà. Et là où tu vois que c'est un grand morceau parmi les grands, c'est que à peine deux ans après la sortie de ce morceau, Tom Jones et Joe Perry d'Aerosmith ont fait des reprises, tu vois. C'est quand même assez dingue. Et moi, ce que je trouve toujours assez rigolo, et on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, c'est la propension qu'ont certains groupes à dénigrer, tu sais, les premiers albums ou les premiers morceaux après quelques années de carrière. Et bah pour ce morceau, c'est un peu le cas, en fait. Ils disent pas qu'ils regrettent d'avoir fait ce morceau, mais ils ont tendance à dire « Oui, mais bon, on a fait autre chose, vous voyez, à côté. » Et pourtant, ils le disent eux-mêmes, on pourrait pas faire un seul concert sans faire ce morceau, c'est complètement inimaginable. C'est vraiment un hymne, je pense, qui a fait vraiment partie des grandes chansons de l'histoire du rock. Ils avaient fait ce morceau, d'ailleurs, à l'ouverture des JO de 2012. Exactement, voilà, avec une reprise de Come Together des Beatles. Voilà, et donc, on est en 2005, hein, et ça a absolument pas s'arrêter là, parce qu'il y a une belle carrière qui va les attendre. Une autre chanson tubesque qui était sur Beneath the Boardwalk, puis sur l'EP 5 Minutes with the Arctic Monkeys, comme I Bet That You Look Good on the Dance Floor, il me semble. Et enfin sur le premier album, Whatever People Say I Am, That's All I'm Not, dédicace pour toi Vincent. Fake Tales of San Francisco, on s'écoute ça tout de suite. So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. Le dernier grand album à guitare selon Liam Gallagher. C'est vrai que ça sonne un peu mieux que BDI, mais après, là n'est pas la question. Tu es un petit peu mesquin. Hein. Fake Tales of San Francisco, en fait, c'est une chanson qui parle des groupes qui se la racontent un peu trop. Tu parlais tout à l'heure de qu'ils aimaient pas les groupes qui distribuaient leurs CD à la fin du concert, genre, on vend nos CD, machin. Et ben, en fait, ils aiment pas non plus les groupes qui se la racontent à mort. Turner joue dans les paroles en fait sur la différence entre le groupe sur scène qui se la raconte à mort et le public qui n'en a rien à foutre. Hormis peut-être la copine du chanteur hein, qui prouve selon Alex Turner que l'amour ne rend pas seulement aveugle mais aussi sourd. Ah, j'étais sûr que t'allais dire ça. C'est plein de punchlines, moi je trouve ça assez drôle. Et puis il y a les mélodies, hein. Alex Turner encore lui disait dans une interview que tout le monde essayait à l'époque de sonner comme les Strokes et du coup bah, eux ils ont essayé de sonner totalement différemment et ça leur a plutôt, ça marche bien. Ça leur a plutôt bien réussi. C'est un des nombreux hits du premier album. Hein. On aurait pu faire une émission juste sur lui. Sur le premier album. Mais on va malheureusement clore le chapitre du premier album avec un dernier morceau. Bien joué, objection. Objection. La dernière track de l'album d'ailleurs, qui s'appelle Vincent. A Certain Romance. Non, la dernière track s'appelle A Certain Romance, c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Ah oui, de l'album qui s'appelle When As What For My Nine. Ah, c'est exactement ça. Souvent, les grands albums se finissent par une chanson qui vous marque. Hein. On pense à Sgt. Pepper avec Day in a Life, All Mod Cons des Jam qui se finit avec Down in a Tube Station at Midnight, et vous saisissez Whatever People Say I'm Done So I End Up qui se termine avec A Certain Romance. On s'écoute ça tout de suite. Oh no. c'est un peu la synthèse de tout ce qu'étaient les Arctic Monkeys au départ. Un témoignage de la vie des ados comme moi et des jeunes adultes comme toi dans les années 2000. Tu vas te taire. Dans cette chanson, Alex Turner, il fait référence à la culture des chaves. Les chaves en Angleterre, c'est un petit peu la culture racaille. Racaille, attention chez à vous que tu vas employer. Racaille, Karcher. Non, c'est un peu ça y est. C'est comme ça, on a mis les deux pieds dedans. Non, mais voilà, c'est un petit peu l'équivalent, à quelques exceptions. Bien sûr, on est en Angleterre, donc là-bas, la classe, c'est les casquettes Burberry. Et puis, écoutez The Streets, que vous avez déjà pu entendre, je crois, dans cette émission. Ou du Skepta. Ou du Skepta, exactement. C'est l'équivalent des Wesh, un peu. Et puis, il dit tout simplement que eux, ils font pas attention à l'amour. Et en fait, il y a plus de romance dans leur vie, et que c'est dommage, mais que personne ne veut voir la vérité en face, et que même lui, il a du mal avec ça. Le romantisme est mort. Exactement, c'est des sujets assez intéressants, assez variés, et puis surtout, musicalement, elle a quelque chose, cette chanson, quelque chose de plus, et c'est vraiment une chanson qui marque, et je trouvais assez important, et Vincent aussi, je pense, oui, de la mettre dans cette playlist. On a vu que les Arctic Monkeys savaient faire de bons albums, ils sont aussi connus pour exceller sur les phases B. Settle for a draw, on s'écoute ça tout de suite. Ça a l'air tout con comme ça, une petite chanson un peu poppy, un peu simplette, mais en gros, c'est un sujet un petit peu plus grave que ça, et ça va être le moment du podcast que je vais appeler la guerre des sexes. Oula, Ouais, c'est glissant comme terrain. En gros, en écrivant toujours aussi bien, Alex Turner nous dit que tous les week-ends, il s'embrouille avec sa copine. Que tout va bien et que d'un coup... Ouais, dis donc, t'as pas rangé tes tongs et tout. Exactement, pour une connerie, hein, un feu s'allume, c'est une métaphore, hein, et qu'il l'alimente avec son jerrycan de mots et de colère. C'est ce qu'il dit dans la chanson, mais ça sonne vachement bien en anglais. Et la morale, en gros, c'est que les filles, elles gagnent toujours les embrouilles, peu importe ce que vous disiez. Et c'est pour ça qu'il faut mieux settle for a draw. En gros, ça veut dire à peu près, égalité, bah chérie, quoi. Match nul. Voilà. Hein, voilà, c'est marrant. Et puis bon, des phases B, on aurait pu mettre aussi Seven ou encore Bigger Boys and Stolen Sweethearts. Alors moi, je connais beaucoup moins les phases B. Hein. Et ben, il y en a plein. Et ce serait génial qu'un jour ils sortent une compile de leurs phases B. Il y en a plein des non officiels. Vous pouvez télécharger. Ou on fait une émission sur phase Internet. B. Ouais, phase B, exactement. Voilà. Et on la passe sur Canal B. Ouais. Urénaise, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, enfin bref, voilà, c'est surtout la phase B de l'immense single, que dis-je, le mirifique When the Sun Goes Down. Et qu'on aurait pu mettre. Et en fait, il y en a tellement de cette période dorée 2005, 2006, 2007. Bah justement, 2007, un nouvel album, peut-être mon préféré, My Favorite Worst Nightmare. Pour en parler, on va s'écouter le premier single, hein, tiré de l'album, Brian Storm. Une chanson, on va dire, une chanson toute calme. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous late. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Ah, moi j'adore la bestialité de ce morceau, tu vois, la guitare bien nerveuse. Ça réveille ton côté ouais. Sauvage. Ah ouais, j'ai envie de déchirer ma chemise. Tu vois, la batterie bien complexe, très dur à jouer apparemment ce morceau de batterie. Ouais, c'est compliqué. Alors là, alors ce morceau, il s'appelle bien Brian Storm, hein, pas Brian Storm, hein, c'est pas une faute. Un jeu de mots. Ouais, c'est un jeu de mots. Et on leur a fait souvent la remarque d'ailleurs, mais ils disent non, c'est Brian Storm. Et en fait, l'histoire de ce morceau, ça repose justement sur ce fameux Brian, hein, énigmatique. En fait, le groupe était dans leur loge pendant un concert dans un nightclub de Tokyo, et ils ont vu un fan complètement creepy s'infiltrer dans leur loge, et prenez ma carte de visite, ils voulaient leur donner sa carte de visite, et ils ont vraiment beaucoup flippé apparemment, et donc Turner se demande mais en fait s'ils n'ont pas eu une hallucination collective sur ce Brian et ils savent toujours pas qui c'était. Et voilà, ils ont essayé, tu crois, de le rappeler. Non, avec ils disent non, on a préféré effacer ça de notre mémoire. Enfin bref, c'est ce qui les a inspirés pour cette chanson. Et alors disons-le, hein, Alex Turner, c'est quand même l'âme du groupe. Si on avait appelé ce podcast Alex Turner l'âme et les Arctic Monkeys. Ouais. Mais voilà, donc sans Alex Turner, pas d'Arctic Monkeys, hein, disons-le. Oui. Bah, sans être méchant pour les autres, mais voilà. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est quelqu'un d'hyper timide à ses débuts, hein. Il voulait pas être le chanteur à la base, comme tu disais, et ça transparaît absolument pas dans sa façon de chanter, donc ouais. C'est clair. Et donc il est assez effacé, c'est le moins bavard du groupe, hein, et il a une réputation de, en interview, c'est quelqu'un d'assez difficile à interviewer, hein. En fait, l'auto-promo, c'est vraiment un truc qu'il déteste faire, et en fait il se barre de certains événements où il est censé assurer la promotion de son album. Il se barre tout simplement. Voilà, je te propose de continuer notre découverte de ce merveilleux album, hein, avec pour moi le morceau le plus emblématique des Arctic Monkeys. Désolé, je le dis, hein, pour les gens, tu me diras ce que tu en penses. On s'écoute tout de suite Fluorescent Adolescent. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When I stabbed as they seem. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the boys were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them of overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane. Just sounding it out. But you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais dans la vie de certains groupes, il y a un morceau qui reste et qui restera le plus emblématique du groupe, et moi je pense que c'est celui-ci pour l'Arctic Monkeys. C'est, je pense que ils ont fait très très fort avec leur premier album, hein. Ouais. C'était, d'ailleurs on l'a pas dit tout à l'heure, mais le premier album le plus vendu, qui a fait le meilleur début devant les Beatles en Angleterre, ouais. Voilà. Mais je pense que le monde entier a vraiment découvert et adopté les Arctic Monkeys avec ce titre. On était, enfin moi j'étais ado quand j'ai découvert les Arctic Monkeys avec ce morceau. J'étais, ah ça c'est le morceau du groupe, et je pense qu'il le reste jusqu'à maintenant. Même si je connais moins les morceaux maintenant, hein. Les derniers albums je les connais moins, mais voilà, c'est ce morceau qui capture l'essence même du groupe, hein, que je connais. Voilà, donc un morceau coécrit par Alex Turner et sa copine de l'époque, encore elle, au final. Voilà, donc en fait, ils étaient tranquillement pendant leurs vacances au bord de la Méditerranée. En fait, oui, ça, c'est parti. T'as oublié tes tongs. T'as oublié tes les tongs, dis donc. En fait, ça, ça partait d'une blague, et puis au final, ils ont fait un couplet, un refrain, et puis au final, bah, ça donne ce morceau-là, quoi. Ça nous parle d'une femme, hein, qui rêve de sa jeunesse, alors que sa vie est triste et ennuyante. Voilà. Et petite coïncidence, l'autre jour, alors, je vais raconter ma vie, hein. J'accompagnais mes parents faire les soldes, et moi, j'attendais dans la galerie, et je vais sur Wikipédia pour me renseigner sur un film qui s'appelle Submarine, et là, je découvre que c'est Alex Turner qui a composé la BO. Je me dis, ah bah, c'est cool. On va y revenir là-dessus. Et justement, je vais sur la page du réalisateur du film, Richard Aoyad. Est-ce que tu connais Richard Aoyad? Eh bien, non, c'est celui qui a fait Submarine. Voilà, voilà, c'est ça. En fait, c'est un acteur bien connu. On va voir si les auditeurs ont la référence. C'est une série qui s'appelle IT Crowd. Eh ben, je regarde la filmographie de ce réalisateur, et en fait, c'est lui qui a réalisé le clip de Fluorescent Adolescent. Tout se recoupe. La boucle est bouclée. Alors, et c'est un pote d'Alex Turner. Voilà, ensemble. Donc ils sont potes maintenant. Est-ce que tu peux m'expliquer le clip? Parce qu'il est assez emblématique. Hein, Eh ben ouais. En fait, c'est des clowns qui se retrouvent en gare et ils se tapent sur la tronche. Non, alors, il y a des clowns et des non-clowns, c'est ça ? Et des clowns qui se tapent sur la tronche avec des non-clowns. Et voilà. En fait, tu te rends compte que les non-clowns, enfin, le chef des non-clowns et le chef des clowns, ils étaient copains quand ils étaient petits. Voilà. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient fait un live sur une émission de télé et qu'ils avaient joué habillés en clown énorme comme ouais. ça. Et voilà, c'est vrai que c'est assez connu et ce clip est vraiment génial. Alors, pour nos amis coulrophobes, n'allez pas voir ce clip. Bon, bref, on continue. Et après, c'est encore mon tour. Et après, je te laisse la parole, hein, promis. Et on va clore cet album avec 505. On s'écoute ça tout de suite. My darling, what did you expect? I de l'aveu même d'Alex Turner, c'est selon lui la première véritable chanson d'amour des Arctic Monkeys, c'est beau. Et pourquoi 505? Parce qu'en fait, Turner a écrit ce morceau en allant voir sa copine qui, encore elle, qui séjournait dans la chambre 505 d'un hôtel. Voilà, c'est tout bête, faut pas aller chercher tellement romantique. Et voilà, c'est donc une chanson d'amour. Alors, je sais pas si tu sais, mais en fait, sur ce morceau au début, le petit torque qu'on entend au début, c'est un sample d'un orgue utilisé par Ennio Morricone dans Le Bon, la Brute et le Truand. Donc voilà. C'est quand même la classe. C'est le clin d'œil. Donc, figure-toi qu'en fait, aussi, les parties additionnelles de guitare ont été faites par un grand ami d'Alex Turner qui s'appelle... Miles Kane, et oui, avec qui il fera The Last Shadow Puppet. J'en profite pour faire une petite déviation sur le j'en sujet. J'en place une pour mon pote Miles. Ouais, donc The Last Shadow Puppet, le side project d'Alex Turner et de Miles Kane, un album remarqué, c'était en 2008. Oui, c'est ça. Et dernier en date, que j'ai pas écouté encore, qui est sorti l'année dernière, en 2016. C'est sympathique. Ouais, c'est bien. Ouais, je sais pas si t'as écouté, ouais. Alors, allez jeter un coup d'œil, une oreille plutôt, à l'univers d'Alex Turner et de Miles Kane. Et moi, j'ai déjà suffisamment parlé, donc je pense que je vais enfin te céder la parole. Allez, c'est à toi. Eh bien, moi, je vais faire un bond d'un an après les Last Shadow Puppets, en 2009, donc après une éternité qui a duré 2 ans entre les deux albums des Arctic Monkeys. Ils sortent l'album Humbug. Ah, alors, très les bien, quatre petits gars de Sheffield, ils sont partis dans le désert californien depuis leur début, et ils ont rencontré Josh Homme. Josh Homme, qui est assez connu pour être l'un des membres fondateurs de Caius, groupe de stoner. Moi, Cuse. Et bien sûr, bah, ça se trouve, ça se dit Cuse, et je passe pour un con, mais je ne crois pas. Et bien sûr, le groupe de stoner un peu plus poppy, Queen of the Stone Age. Poppy, mais arrête Je dis ça parce que on va y revenir tout à l'heure aussi. Ah, l'opening track de l'album, pour se la jouer un peu à l'anglaise, s'appelle My Propeller, et on s'écoute ça tout de suite. I'm On sent que le son c'est endurci. C'est mon morceau préféré de Humbug avec Crying Lightning. Et ben en fait c'est surtout, on en avait déjà parlé puisqu'on a parlé, on avait passé Crying Lightning dans une émission. C'est pour ça qu'on le repasse pas cette fois-ci malheureusement. Exactement. Et on vous avait parlé un petit peu de l'histoire de l'album. Mais voilà, c'est vraiment une évolution très significative. Les Arctic Monkeys, c'est un groupe qui n'arrête pas d'évoluer. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont toujours au top, hein, c'est clair. Et une évolution très significative d'un gros son qui s'est bien endurci. Alors cette chanson-là, elle est sympa. Parce que il y a un petit débat à propos de son sens. Son hélice, son propeller. Il y en a qui disent que c'est son sexe, tout simplement. C'est une métaphore pour son sexe. Et qui en fait c'est une chanson sur le désir sexuel et que tout en métaphore. Et le fait de faire l'hélicoptère voilà. Avec sa bite. C'est vrai, c'est ça. Disons-le. Ouais. Je n'invente rien. Oui. Et comment dire, et sinon ce serait une chanson sur le manque d'inspiration, sur l'inspiration, la peur de la feuille blanche de l'artiste. Je penche plutôt pour ce sens là, oui. Mais après les débats restent ouverts. Mais voilà, pour revenir rapidement sur Humbug, puisqu'on est déjà à notre 9e morceau, ça passe tellement vite. Faut dire que c'est un vrai tournant dans la carrière du groupe, puisque c'est là où ils vont commencer à aller aux États-Unis, à fréquenter beaucoup la Californie et savoir un impact considérable sur on leur sent son. Très clairement la patte de Josh Homme derrière. Et Josh Homme, exactement, qui a dû leur prêter pas mal de guitares et pas mal de LSD. Ouais. Et voilà. Un petit détour du côté des reprises du groupe. Alors, on n'avait pas fait ça avec Blur, mais ça, on va c'est faire. Vrai. Alors, avec une excellente reprise, c'est toi qui me l'as fait découvrir d'ailleurs. Une excellente reprise de Right Right Hand de Nick Cave. Donc, par les Arctic Monkeys, justement. On s'écoute ça tout de suite. We'll be right back. You'll see him in your nightmares, you'll see him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he's not what he seems. You'll see him in your head and on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Alors pour être franc, j'ai pas grand chose à dire sur ce morceau. En fait, c'est un morceau qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils étaient en tournée. Et du coup, ils l'ont proprement enregistré et ils l'ont mis sur la version japonaise de Humbug. On sent d'ailleurs un peu le son Humbug, comme tu me disais d'ailleurs. Exactement. Alors, vu que j'ai pas grand chose à dire, j'aimerais qu'on revienne rapidement, si tu le veux bien, sur les autres membres du groupe. Parce que pour l'instant, il y en a que pour Alex Turner et il faut bien parler des autres de temps en temps. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, Jamie Cook, guitariste, ami d'enfance d'Alex Turner, comme on a dit. Sacrée personnalité hein, d'ailleurs, il déteste les journaux. Lui, alors juste pour faire un petit profil psychologique, c'est quelqu'un qui déteste les journaux, les news, les tabloïdes, voilà. Et il se voit pas être dans un groupe comme Coldplay, voilà. il aime pas Coldplay parce déjà, que il dit, je cite, jouer pendant 3 ans le même album, c'est la déprime assurée, voilà. Donc au contraire, il voit le groupe, enfin il espère que le groupe va vraiment se développer à la manière des Clash. Même si on y est, hein, au final, bah, oui, il s'ouvre beaucoup. Voilà, à partir d'un son très brut et basique, aller explorer des nouvelles voies. Alors Nico Mallet, le bassiste, hein, à la base, qui a remplacé, parce que c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais il a remplacé au pied levé le premier bassiste dont on parlait au début, qui s'appelait Andy Nicholson. Ouais. Et donc il était là pour remplacer l'ancien bassiste et il a fini par prendre sa place, hein, tant mieux pour lui. Et donc du coup, il a dû apprendre le premier album de manière intense en seulement 2 jours hein, pour essayer de rattraper le retard. Voilà, pour combler l'absence de l'ancien bassiste. Et ce bassiste, il s'est pété la main une semaine avant d'aller enregistrer, avant d'intégrer le groupe. Alors bon, il a réussi à jouer pendant les concerts au final, mais c'était limite. Hein. C'était chaud. Et enfin, Matt Elder, tu me disais, il a une bonne tête, lui, une bonne tête de lad. Ouais, il est très charismatique et lui, il fait pas mal de trucs. Il a fait un petit, projet à un moment. Il était qui s'appelait Mongrel. C'était un projet de hip-hop qui était vraiment vraiment pas mal. Mais je vais de la batterie dessus. Et puis il roule sa bosse à côté. Il est sur le dernier album d'Iggy Pop. Voilà, justement, il a enregistré avec Iggy Pop sur Post Pop Depression. Hein, du coup, pote avec Josh Homme, de toute façon, ça ouvre des portes, hein, j'imagine. Voilà, donc il commence à se faire un bon petit CV. Et surtout, lui, pourquoi il a choisi la batterie? Parce que il manquait ça. Ouais, c'est un très très bon batteur. Très bon batteur. Hein. Mais justement, il a appris complètement en autodidacte en écoutant que des morceaux de Queen of the Stone Age. Il a jamais fait de cours de batterie et tout. C'est quand même assez et donc, génial. Quand il a intégré le groupe, on lui a dit c'est de la batterie ou rien, parce que tout le monde a sa guitare, tout le monde a sa basse. Donc voilà. Donc c'était pour faire un petit c'était pour revenir sur les membres du groupe parce que faut leur rendre hommage aussi. Il y en a pas que pour Alex Turner. Une dernière phase B quand même pour la route, parce que voilà, vous avez remarqué, on aime bien les phases B. On aime bien les phases B quand même. Encore une évolution dans le son du groupe, un son beaucoup plus, je vous ai dit, heavy. Un son beaucoup plus heavy. Et Evil Twin, tout simplement. On s'écoute ça tout de suite. to leave you in the lurch, but you'd let her do her worst. And it's not hard to tell, it's obvious the other angels' faces fell when she told him that she had to go, swap her wings and overcoat for something colorful. C'était la deuxième chanson du single de Suck It NC. Et vous savez quoi, Suck It NC, c'est le nom du quatrième album d'Artist Monkey sorti en 2011. L'enchaînement est parfait, tu vas nous mettre un extrait après de cet album d'ailleurs, je crois, Vincent. Oui. Juste pour revenir sur Evil Twin vite fait, c'est assez marrant puisque du coup c'était la phase B du single Suck It NC. Il y a le single et l'album, vous avez compris. Et ce qui est assez marrant, c'est que Suck It NC, la chanson avec les téléchargements, elle est arrivée au 149e place dans les charts britanniques. Et Evil Twin, qui est donc la phase B, grâce au téléchargement, est arrivée à la 114e place. Voilà. Du coup, la phase B, en fait, est arrivée plus haut que le single. C'est assez classique, ce genre de truc. Oh, tu rigoles, c'est pas très oui, souvent. Oui, ça arrive souvent, ce genre de petits trucs comme ça. La petite phase B, donc voilà, je trouvais ça assez marrant. Et puis voilà pour l'évolution du groupe, là on est vraiment dans quelque chose de heavy, il y a même un solo de guitare, ce qui n'arrive pas vraiment souvent avant. Non. C'est des trucs assez nouveaux, hein, mais depuis Humbug, on sent qu'ils se cherchent pas mal. Suck It NC, c'est un album un peu plus poppy, comme poppy, disait Matt Elders, voilà, quelque chose de plus léger, de moins sombre que Humbug. C'est aussi l'album qui a le moins bien marché, je crois, du groupe. Ouais. Mais pourtant, il est vraiment très sympa, toujours produit par James Ford, il a produit tous les albums depuis le deuxième. Le troisième, donc c'était Josh Homme, mais en collaboration avec James Ford. Et voilà. Et donc, justement, on attaque le quatrième album, Suck It NC. Tu veux du poppy ? Eh ben, on va s'écouter Don't Sit Down Cause I Moved Your Chair. Putain, je l'ai bien dit pour un noir à l'ombre, c'est très bien. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Break a mirror, roll the dice, run with scissors through a chip. And firefight. Go into business with a grizzly bear. But just don't sit down, cause I've moved your chair. Start a fight. Wear your Alors là, clairement, on rentre dans la période des Arctic Monkeys que je connais beaucoup moins. Les deux derniers albums, je sais pas pour toi. Du coup, je les ai pas mal écoutés, mais c'est vrai que moins que les premiers quand même. Ouais. Donc je sais pas trop pour toi, mais le groupe évolue, c'est très bien, mais pour moi les deux premiers albums sont ceux qui encapsulent l'essence même du groupe, ça c'est vraiment les plus emblématiques. Voilà, donc avec celui-là j'ai eu beaucoup plus de mal, voilà. Donc là où Humbug était lourd, dans sombre, ils ont enregistré Humbug avec petit bout par petit bout. Là sur cet album ils ont pris l'habitude de répéter les chansons et de les faire entièrement, voilà. Je te parlais tout à l'heure de Richard Oyad, encore lui. Et en fait, l'acteur qui avait réalisé le clip justement de Fluorescent Adolescent et réalisateur du film Submarine, il avait demandé à Turner de faire la BO de son film, et c'est pendant les sessions d'enregistrement pour ce film qu'il a eu l'idée de ce morceau en fait. Et alors tu vas voir, l'histoire de ce morceau est dingue. Accroche-toi à ta chaise, c'est vraiment dingue. Non mais justement, en fait Alex Turner était en studio. Il y a un moment, il a dit à quelqu'un, pour pas qu'il se fasse mal, hey, toi ne t'assois pas parce que j'ai bougé ta chaise. Et voilà. Don't sit down, cause a movie d'enchère est né. Et en fait là t'as Tom Ford qui fait mais dis donc Coco, mais c'est très bon ça, tu vas garder ce morceau, ça va faire un putain de morceau, c'est on va faire des millions James avec Ford, ça. Je crois. J'ai dit quoi? Tom Ford. Ah bah c'est James Ford, bref, Tom très mal préparé. Et en fait voilà, il fait mais c'est très bon ce que tu viens de dire, c'est garage et tout, allez on garde. Incroyable, hein, comme ça il en faut très très peu pour faire un morceau qui marche comme quoi. Voilà. Ah, et puis il est vachement cool ce morceau. Enfin, moi j'aime bien le riff de guitare et tout ça. J'aime moi cet album, mais bon bref, c'est les goûts et les couleurs. Troisième extrait de Suck It and See, l'album plus poppy. Pile Driver Watts, tu parlais du film Submarine juste avant, exact. De la BO. Cette chanson a été reprise pour la BO du film, c'est une chanson un peu d'amour, un petit peu de rupture, une chanson assez légère et en même temps assez touchante. Je vous propose d'écouter Pile Driver Watts tout de suite. I etched the face of a stopwatch on the back of a raindrop and did a swap for the sand in an hourglass. I heard an unhappy ending, it sort of sounds like you leaving. I heard the pile driver waltz, it woke me up this morning. You look like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel and sat in the back booth by the pamphlets and the literature on how to lose. Your waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Mysteries flashing amber, go green when you answer, but the red on the rest of the questionnaire never changes. I heard the news that you're planning to shoot me out of a cannon. I heard the pile driver waltz, it woke me up this morning. You look like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel and sat in the back booth by the pamphlets and the literature on how to lose. Your waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Oh. We'll be right back. toujours cet esprit de changement, de mutation, de prendre à revers ce public. Et j'aimerais qu'on se quitte un peu là-dessus, sur cette question un peu philosophique. Est-ce qu'un groupe, pour durer, il doit faire du AC/DC, c'est-à-dire jouer la même chose pendant 60 ans? Tu veux dire avoir une boîte à rythme? Jouer, non, voilà. Ou alors faire comme les Arctic Monkeys, se réinventer pour durer dans le temps. Et je pense pas qu'il y ait de réponse complètement objective, mais je pense que les Arctic Monkeys seront plus aptes à sortir toujours à chaque album. Et on voit le dernier album qui a cartonné, dont on va parler juste après, avant de se quitter. Mais voilà, je pense que c'est une chose très importante dans les groupes, et c'est assez rare de nos jours finalement, parce qu'eux ils surfent pas du tout sur les tendances, ils font vraiment ce qui leur plaise, mais ils le font avec brio, toujours en se remettant en question. C'est la fin de cette émission, Vincent ? Oui, c'est la fin. 12 ans de Arctic Monkeys, on les a vus grandir, et maintenant on attend de voir la suite. Au début de cette émission, ils se pétaient, ouais, les boutons d'acné devant la glace, et maintenant ils ont les cheveux gominés, ils ont des super costards. J'ai lu un commentaire très drôle, assez éloquent sur YouTube, en dessous de la chanson Fake Tales of San Francisco, où ils parlent justement, comme on vous disait, des groupes qui se la racontent, qui disent qu'ils sont allés aux États-Unis et tout ça, et disent en fait cette chanson, ça décrit ce que les Arctic Monkeys sont devenus maintenant. C'est vrai dans un sens, mais voilà, en tout cas on leur souhaite beaucoup de bonnes choses, de continuer à nous surprendre, et c'est trop court, 1h30, pour rendre hommage à un tel groupe avec de telles chansons, mais voilà. Tuc instant promo. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Alors le Twitter c'est @onsécoute ça. Voilà, il y a le Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur le facebook.com/onsécoute ça tout de suite. L'URL a changé pour PodCloud, c'est onsécoute ça tout de suite .lepodcast.fr. Hein, attention, et vous rajoutez /RSS si vous voulez le flux RSS. Et vous avez aussi deux nouvelles missions. On le dit. Hein, allez, tu commences. Alors, il y a une nouvelle émission, si vous aimez bien le football, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Il y a une émission qui s'appelle Club Foot, l'épisode 0 est sorti. Il a été partagé d'ailleurs, voilà, on s'écoute ça, puisqu'il faut bien se créer un réseau à un moment. Hein. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous verrez, il y a de la bonne humeur, il y a quelques têtes que vous connaissez déjà. Et c'est cool. Et moi j'ai une nouvelle émission aussi, avec des... Alors ça va être des invités différents à chaque fois, principalement de la fac, qui on parle cinéma, série, enfin ils amènent leur sujet, puis on essaye de faire ça une fois tous les deux semaines au moins. Et j'ai toujours pas de nom pour l'émission, donc voilà, j'ai aussi partagé par On s'écoute ça tout de suite, sinon voilà, j'avais rien. Voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, l'avenir de On s'écoute ça tout de suite n'est pas en danger, on même continuera. Si ça a commencé à être compliqué niveau timing, hein, moi je viens de le dire. Hein. Oh arrête, tu as créé de la shitstorm sur Twitter. Ouais. C'est fini, on revient. On se retrouve plutôt que... Prévu j'espère. Ouais, plutôt que prévu j'espère. Et puis à toi Vincent. Et ben justement, dernier morceau et dernier album en date, AM, hein, sorti en 2013 déjà au final. Hein. Et oui, ça fait 4 ans. L'album qui a eu le plus de succès à l'heure actuelle, hein. Ouais, plus gros album. Et donc c'est un peu l'album des records pour eux, hein, meilleur vente d'album vinyle de la décennie. De ce fait, en fait, très intéressant, les Arctic Monkeys, ils sont devenus le premier groupe indépendant à placer chacun de leurs 5 albums directement la première place des ventes en première semaine. Donc c'est assez dingue, quoi. Donc, et en Angleterre, hein, disons-le, pas dans le monde. Voilà, donc un album mal, un peu plus varié. On retrouve un petit peu des petites touches de R&B, de hip-hop. Hein. C'est vraiment aussi, de toute façon... Mais attention, c'est pas du rap rock. Hein. Ah non, c'est pas du rap rock. Non, non. Non, mais justement, on en parlait, c'est que tous les membres de Arctic Monkeys ont... ils aiment bien le hip-hop, ils aiment bien le rap R&B, ce genre de truc. Et donc, ça se ressent dans cet album-là. Voilà, donc c'est un peu le retour aux premiers amours du groupe. Hein. Ils avaient fait d'ailleurs... à l'époque de leur deuxième album, un featuring avec Didi Rascal, qui est quand même un des grands rappeurs anglais. Donc on va s'écouter Do I Wanna Know, hein, avec des petits accents psychédéliques très 60s, 70s. Hein, on s'écoute ça tout de suite, Do I Wanna Know. Et on vous dit quoi, Noé? On vous dit à très bientôt. Au revoir. Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay.